نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نستوي بتدريبات اليوم للدرس الخامس الذي كان في المفعول به. نقوم بالدرس الخامس. يقول أجيب عن الأسئلة الآتية. يقول question suivante. أين ذهب الطلاب الجدد؟ Où ont été les nouveaux élèves؟ ذهب الطلاب الجدد إلى المدير. طيب. Les nouveaux élèves ont été chez le directeur. أفهم طلحة الدرس؟ Est-ce que طلحة a compris le cours؟ نعم فهمه جيدا. أش قلت؟ نعم فهمه جيدا. لسه فهمه. فهمه. فهمه. نعم كسرها. كل فهمه يفهمه. ثالثا أي سورة حفظ إبراهيم؟ كل سورة عمي موزي إبراهيم؟ حفظ سورة الفجر وسورة التين. نعم لا. موزي سورة الفجر وسورة الفجر. رابعا من فتح النوافذ؟ كي أو غير الفنادق؟ فتحها علي. طيب ثانيا دعني العلامات الخط أمام الجمل الصحيحة وادي العلامات المصاليب أمام الجمل غير صحيحة. أولا فتح علي الفصل. دونك علي أو غير الكلاس؟ خطأ. نعم غير صحيح. ما رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ دونك زكريا وعثمان وحمزة ne sont pas revenus de مكة. صحيح. صحيح. ما كتب فيصل فيصلون الأجوبة لأنه ما فهم الأسئلة. دونك فيصل n'a pas écrit les réponses car il n'a pas compris les questions. صحيح. نعم. ما كتب فيصل الأجوبة لأن قلمه مكسور. دونك فيصل n'a pas écrit les réponses car son stylo était ou est cassé. خطأ. نعم. طيب قلنا الخامس أيضا. نعم. أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. دونك complete les trous avec un mot correspond en mettant la harakat qui convient. طيب الجمل الأولى تفضل. من فتح الباب؟ نعم. Qui a ouvert la porte؟ ثانيا. غسلت أختي القمصة القميصة. نعم غسلت أختي القميص. ثالثا ضرب الرجل الحية بالعصا. نعم ما الحركة في الحية؟ حية. نعم وكلما فرابي السيربون avec le bâton. رابعا شرب يوسف القهوة. نعم يوسف بو القهوة. خامسا كتب المدرس الدرس على السبورات. نعم le professeur a écrit le cours sur le tableau. سادسا أكلت سعاد الخبز. نعم سعاد a mangé le pain. سابعا قرأت القرآن. نعم j'ai lu le Coran. ثامنا أسمعت الأذان. أسمعت الأذان. نعم يا حمزة. نعم as-tu entendu l'adhan ou Hamza. تاسعا فتح التاجر الدكان. نعم le commerçant ouvert la boutique. عاشرا خرج الطلاب من الفصل. نعم les élèves sortis de la classe. وقلنا أيضا العاشر. نعم كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. دونك في دي فراز اون فيزون لي نو سويفون. أكل أكل الرجل الموزة. نعم مانجي لا بانان. غسل غسلت آمنة الثوب. نعم آمنة لافي لو فيتمون. قرأ

Sabouratin, sabouratin. Naam. Rajulun. Rajulin, rajulan. Naam. Madrasatun. Madrasatin, madrasatan. Tamam. Fahimta hada? Naam. Ça c'est Jaqi. Sadis Achar, il dit, ta'amel mayali. Donc, médite ce qui suit. Hat. Hat, à la base, c'est un fi'l amr, impératif. Et les jamid, on a dit quoi jamid, c'est quand il vient sur le seul forme. Il est vient que au plus, à l'impératif, ce verbe-là. Il n'y a pas de moudarir, et il n'y a pas de mardi. Vous voyez? Donc, quand tu parles à quelqu'un, tu dis hati, avec une kasra, il y a Ahmed, c'est donne. Il y a Ahmed. Vous voyez? Tu dis hatu, il y a ikhwan. Là, le waw, c'est le jama'a. C'est donné, ou les frères. Kafikuli ta'ala, wa hatu burhanakum, in kuntum sadiqin. Et apportez vos preuves si vous êtes véridique. C'est le même. C'est comme dans le site du palmier. Eh, wa hatu, sauf que c'est plutôt tsaddaku. Non. Non. Hati, avec aya, c'est pour qui là? Pour une femme. Bien. Si tu parles à une femme, tu dis hati, ya so'ad. Donne. Ou soad, ou apporte. Hatina ya hawet. Ça y est. Hatina ya hawet. Donc tu veux dire hatina à des femmes. Tamam. Et là, ça te prouve quoi parmi les différences entre l'homme et la femme. Et Chier, il avait raconté une fois l'histoire d'un homme qui faisait mon akash avec un autre, un qui voulait faire la tasfouya, d'un régel, on dit ça. Il voulait égaliser entre l'homme et la femme. Ça y est. Et l'autre, il dit, mais on n'est pas pareil. Il dit, ah, c'est mon akash, l'homme et la femme sont pareils, ou à kaza, à kaza. Après, celui qui voit qu'il y a une différence, c'est vrai qu'il dit à cet homme, Ouskouti. Tu vois comme ça, Ouskouti. Il dit, pourquoi tu peux Ouskouti avec Aya et tout, nanana. Fait, bah, vous êtes pareil, toi et la femme. Pourquoi ça vous dérange, tu vois. Et il ne savait plus quoi dire après. Normalement, un homme, tu dis Ouskout. Et une femme, tu dis Ouskouti. Quand tu dis Ouskouti, il était vexé. Pourquoi tu me dis ça et tout, Ouskouti et tout, un rajoute. Quand là, tu dis qu'on est pareil, l'homme et la femme. Non, c'est. Et là, il a rien pu dire, tu vois. C'est-à-dire, même dans le Coran ou dans la langue arabe, on a mis une différence entre l'homme et la femme. Pareil. Vous voyez. ليس ذكروك الأنثى. طيب يقول اكتب بوصل إن شاء الله avec tout ce qui est comme exercice إن شاء الله va faire un tarfif en fait le si tu veux faire toi-même. طيب فهو من عندك c'est de toi-même. أنا طالب مجتهد. طيب يقول اكتب الآيات الخمس الأولى من سورة الرحمن وسورة الحديد وسورة النبأ. تكتب premier verset de الرحمن الحديد النبأ. طيب نقرأ كلمات جديدة مجلة سي مجازين عمارة سي ان ايموب باتيس طيب والجمع سي عمائر عمائر من الصرف سورة من سورات الجمع سي سور راكب على بس سي او سي ان باساجي او سي بيت celui qui monte sur un cheval ou autre chose celui qui monte sur une chose et le جمع سي ركاب Sinnun, vous voyez, ça peut être l'âge, et ça peut être aussi une dent. Et Asnan, pareil. Asnan Marouf. Asnan, c'est, tu vois. Ja'a, c'est un film mardi qui veut dire venir, arriver. Shaqqa, à notre époque, c'est pour employer comme quoi un appartement. Et Jam, c'est Shikak. كلمة معروف سامو الجمس كلمات إكواء يكوي هذا هو verb qui veut dire repasser à la base c'est comme brûler des choses tu vois pas fou mal on a comme étant des pressions on n'a pas le temps de faire un خراسة ça va être bien والحمد لله رب العالمين